1000, comment tu dis ? Alf. Vous voyez ? Et 1000, il prend la règle de 100. Tu vas dire, pour dire 1000 étudiants, Alf ou Toralibin ? Moudof ilay. Vous voyez ? Alf il est Moudof, et Toralibin, Moudof ilay. Et 1000 étudiantes, Alf ou Toralibatin. Comme 100. Et pour dire 2000 ? Alfan. Tu fais que Moufanna, tu rajoutes un Alif ou un Noun. Et Alfan, tu vas faire comme Miatan. Pour dire 2000 étudiants, tu veux dire comment ? Alpha Talibin. Pour dire 2000 étudiantes, Alpha Talibatin. Vous voyez ? Pour dire 3000, Fala Fatou. Ah, attention là. C'est plus rien. Aïwa. Le dénombré est où maintenant, réellement ? Faut t'en as deux, dénombré. Maintenant, parce que là, maintenant, quand on dit 3000, t'as Falafa, les 3, et après t'as Aleph, 1000. Donc, Falafatou, Aleph, il prend les mêmes règles que Falafatou, tout l'abîme. Vous voyez ? Ça veut dire Falafatou, il va être Moudof, et Aleph, Moudof, il va être Jam. Il va être Moudof. Et tant Libi, il va suivre les rêves de quoi ? De Alf Tawali. Il va être comment ? Moudof Ilei, mais en singulier. Attention à ça. Et pareil, pour dire 3000 étudiantes, ça veut dire Fala Fatou, Alef, Tawali Batin. Alef, c'est le diam de Alf. Et Alf, il est masculin. Donc Fala Fatou, il va être féminin. Il n'y a pas Masalène. Salafou Alef. Non, Salafatou Alef. T'as vu ? Attention, je sais que c'est un vrai un vrai labyrinthe. T'as vu ? Mais bon, c'est comme ça. Hashtag. Abdoulilad, tu n'as pas trop à faire ça dans le Coran, dans la Sunna. Il n'y a pas beaucoup. Donc, mais si tu prends de maths en arabe, ça, t'es obligé d'y passer. Par exemple, quand tu vas faire l'Akhim des Zakat, chose comme ça, t'en auras besoin. T'en auras besoin. Tu fais couteau de bouillot, juste comme ça, t'en auras besoin. T'as dit, 4000 étudiantes, ça veut dire comment ? Arba'atu alef talibin. 4000 étudiantes, arba'atu alef talibatin. 5000 étudiants, khamsatu alef talibin. 5000 étudiantes, khamsatu alefi talibatin. T'as dit, 6000 étudiantes, 6000 étudiants en fouen, masculin, sittatu alefi talibin. 6000 étudiantes, Sittatu alafi talibatin. 7000 étudiants, sabatu alafi talibin. 7000 étudiants, sabatu alafi talibatin. 8000 étudiants, samaniatu alafi talibin. 8000 étudiants, samaniatu alafi talibatin. 9000 étudiants, tisatu alafi talibin. 9000 étudiantes, tisatu alafi talibatin. Et 10000, bah, asharatu alafi Talibin et 10000 étudiantes, Asharatu Alafi Talibatin. Et 20000 Ashurun Alpha. Aïwa. Ashurun Alpha maintenant. C'est plus Aleph. Pourquoi ? Parce qu'il suit Ashurun maintenant. Donc on vient aux règles de Ashurun, Salafun, Orbaun. Maintenant, Alf, il va revenir quoi ? Tamiz. Donc il est Mufrad, Mansoub. Vous voyez ? Mais également, il prend les règles de Alf. Donc il va être Moudof et Talib va être Moudof Ilay. Maintenant, les règles, elles s'emboîtent entre elles. Là, tu as les règles de Ishloun et tu as les règles de Alf qui rentrent ensemble. Donc Alf, il suit Ishloun, mais Talib, il suit Alf. Tu comprends ? Je sais, même à ce temps-là, c'est un peu dur, tu vois. Mais... Inch'Allah. Nasta'in billah. Voyez, Ishloun. Alpha Talibin. Ishruna Alpha Talibatin. Ça, c'est 20000 étudiants, 20000 étudiantes. 30000 étudiants. Salathuna Alpha Talibin. 30000 étudiantes. Salathuna Alpha Talibatin. 40000 étudiants. Orbaoun Alpha Talibin. 40000 étudiantes. Orbaoun Alpha Talibatin. 5000 étudiants. Khamsuna Alpha Talibin. Et 50000 étudiantes. Khamsuna Alpha Talibatin. Et pareil, c'est tout alpha. Vous voyez, ça vaut alpha, ainsi de suite. Maintenant, 100000. Il faut la règle du 100 avec le 1000. Donc c'est pareil. Alf, ils suivent quoi? Les règles de 100. Et Talib, il reste avec les règles de Alf. Donc pour dire 100 000 étudiants, tu veux dire quoi? Miyatou, Alfi. Maintenant, Alfi, s'il suit 100, il va être comme Moudofilei. Moufrad. Et Talib, il reste comme il était avec Alf. Pareil, Moufrad, Moudofilei. Tu veux dire quoi? 100 000 étudiants. Miyatou, Alfi, Talibin. 100 000 étudiantes. Miyatou, Alfi, Talibatin. 200 étudiants, 200 000 étudiants. Miyata, Alfi, Talibin. 200 000 étudiantes. Miyata, Alfi, Talibatin. 30 000 étudiants. 300 000 étudiants, en fait. Salafou, Miyatou, Alfi, Talibin. Et 300 000 étudiantes. Salafou, Miyati. Salafou, Miyatou, Alfi, Talibatin. 400 000 étudiants. Arbaoumia, Alfi, Talibin. Et 400 étudiantes. Arbaoumia, Alfi, Talibatin. Et pareil pour 500 000. Et 600 000, 700 000. Bon. Maintenant, je vais faire un test pour voir si vraiment t'as la case. Pour dire 6534 ou 43. Vous voyez, 6543. Comment tu fais? Comment je fais? Mais c'est écrit. Mmh. C'est écrit. C'est écrit? Voilà, bah oui. Allez, ouais. Vas-y. Mais c'est pas marrant, là, je peux lire. Ouais, tu peux lire, en même temps, ça te fait analyser la chose. Salatatou Arbaoun. Et ben tu vois là, ce qui veut faire comprendre, il te l'a fait commencer à l'envers. Nous en français, on va dire que 6543. Et mon arbre, tu peux dire quoi? 43 et 500 et 6000, en fait. Tu vas à l'envers. C'est ce qu'il a fait lui là. Ça y est? Ça demande du Temelin, ça. Hein. Allez, tu vois, pour les dates, tout ça là. Les quoi? Les dates. Ouais, ça rentre dans les dates. Ça rentre dans les dates. Parfaitement. Ah oui. Là, t'as tout compris. Quand les relèves, il faut te donner les dates dans les trucs, c'est ça qui rentre dedans. Oui, c'est ça le monde du Temelin, ça. Tu vois? Donc là, il te fait quoi? Il t'a fait un cocktail là, puis il t'a tout mis les règles ensemble. Donc il t'a dit quoi? Pour dire 6543, en arabe, tu vas dire quoi? Par exemple, pour une chose masculine, tu vas dire Salafatun wa Arbaoun. Ça, c'est quoi? Le 43 de la fin. Wa Khamsoumiyatin. Et 500. Wa Sittatu Alf. Alef, Afouane. Ça, c'est pour le 6000 rial. Pour dire quoi, en fait? 6543 rial. Fahemt? Ou bien, tu peux dire Salatun. C'est bien ça. Salatun ou Salatun. Là, c'est parce que le réel, il est masculin. Ah ouais, il est féminin, ah, plutôt. Oui, l'autre, il est féminin. Rubiga. Donc, il commence par quoi? La seule différence, c'est le premier salafa. Il change. Vous voyez? Attends. Ça veut dire quoi? Salafun wa arbauna wa khamsumiyatin wa sittatu alafi rubiya. Ah ouais, parce que le premier, il est féminin. Et tu peux dire le contraire. Tu peux dire sittatu alaf wa khamsumiya, voyez, wa salasun wa arbauna riyal. Voyez, là tu veux dire quoi si tu le mets à la fin? Il va être quoi? Tu veux dire rialan. Parce qu'il va me dire quoi après? Salasun wa arbaun. Donc il va être tamiz, mansoub. Mais s'il vient après alef, il va être pour dofilei. Attention à ça. L'ordre, si tu commences par le début, le dénombré va changer. Ou il va être tamiz, ou il peut être Moudofilei Jam, ou il peut être Moudofilei Moufrad. Ça, il faut faire attention. Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, ça va s'ancrer. Ça y est, maintenant, tu fais un khurasa. Il dit Ahwal el-Adad. Maintenant, tu dis quoi? La situation du nombre lui-même. Il dit Awalen el-Adaden, Wahid Wisnen, Ala Wafki el-Ma'dud. C'est-à-dire quoi que. Quand tu fais de Wahid à Isnen, ils sont en concordance avec le dénombré. En genre. Ils sont comme lui. Fanyan, el-Adad min Salafa, il a Ashara, al-Ax, el-Ma'dud. Que de 3 à 10, il va contredire le dénombré. En genre. Vous voyez? Pourquoi aussi il donne un indicatif comme quoi c'est vrai, c'est faux aussi? Ça, je sais pas. C'est quoi la ma'ana là? des systèmes de à côté. Ouais, le signe là. Non, en fait, ça, le trait, pour dire qu'il est en accord. Et la croix, pour dire qu'il est en désaccord. Le 3 là, ouais. C'est pour dire qu'il est en accord. Non, tu vois. La croix, c'est le contraire. Salif, elle dit Al-Adadan, Ahada Achar, Wasna Achar, Al-Juz'ani, Al-Awuf, Al-Awuf, Al-Ma'doud. Donc, ils disent quoi? Les deux chiffres qui sont 11 et 12, vous voyez, les deux premières parties de 11 et 12, c'est-à-dire le Ahada Achar, le Ahad, et le Sna Achar, le Sna, vous voyez, ils sont en concordance avec le dénombré. En genre, bien sûr, hein, parle en genre. Quatrièmement, Al-A'dad min thalatha asharata ila tis'ata ashar, al-juz' al-awwal, voyez, ala aks al-ma'doud, wa juz' thani ala wufqihi. Donc il dit les chiffres de 13 à 19, la première partie, c'est-à-dire thalatha et la tis'a, voyez, sont en opposé du ma'doud par rapport aux gens. Et la deuxième partie qui est Ashara, elle, elle est en concordance avec le Mardoud. C'est-à-dire le masculin avec le masculin et le féminin avec le féminin. Ça, ça concerne le nombre. Le nombre. Maintenant, le dénombré, il dit quoi? Ahwal el Mardoud. C'est-à-dire la situation du dénombré. Awalan, il dit de 3 min thalatha ila Ashara, Tullan, Nafalan, ça va être un djem majoro. C'est-à-dire, le mardoud, le dénombré qui vient après un 3 jusqu'à 10, ça va être un pluriel majulo parce qu'il est moudafilei. Deuxièmement, min ahada achar, il est tisata achar, taliban, mufrad, mansoub. C'est-à-dire, le dénombré qui vient après de 11 jusqu'à 99, ça va être quoi? Un tamiz. Singulier, mansoub. Et min mia, il a elf, ainsi de suite. Le dénombré, c'est quoi? Un mufrad majrur. C'est un singulier majrur parce que c'est un mudafili. Tu vas doliprane? Eh ben, c'est... Je pense que t'as une petite sueur faute pour la soirée, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là. Je sais que t'as compris, c'est juste après, c'est mettre en place. Tu vois? Non, en gros... J'ai compris. Après, on réalise tout seul. Tout seul? Ouais, non. Je te conseille pas. Non, en fait, c'est... Prends un mille. Je dois prendre des... Ouais, non, tu te débattes à la maison, mais je veux dire, toi, entraîne toi avec les frères, tu vois. Des fois, tu dis, vas-y, dis-moi, sans deux étudiants. Tu vois? Non, non, c'est les dates, surtout. Tu vois les dates? Mmh. C'est ça le plus important. Quand, par exemple, tu vas dire... Ça arrive que quand tu vas lire une biographie à ça, par exemple. Ouais, non. Il y a beaucoup de dates au début, tu vois. Non. Ouais, non. Hein? Faut voir, on va le dire correctement. Donc, faut faire attention au moudoud. Quand tu lis les hadad. Entre le tanouïd, par exemple, et le waou. Et noun. Par exemple, tu vas dire Salatatun ou Aishuruna. T'en as, ils vont croire que t'as dit Salat. Par exemple, je sais pas moi. S'il n'est pas encore habitué, il va croire que t'as mis un waou ou un noun encore. Il va dire attends, il y a combien de waou ou un noun, je comprends plus rien. Toun, toun, toun, ou tin, tin, tin, ou tan, tan, tan, je comprends pas. Tu vois, c'est-à-dire, des fois, quand on prononce, le tanouïd, il faut le faire court. Et le mettre, il faut le faire long, pour que celui qui ne connaît pas, il s'habitue bien. Parce qu'au début, c'est en bruit. Moi, je me rappelle en Égypte, le point quand j'ai parlé avec les dates, pour moi, c'est tout des, c'était pas des tanouines, c'est tous des moudouds. Tu n'arrivais pas à différencier. Ah ouais, je comprends rien. C'était, mais c'était qui? C'était toi ou c'était le professeur? Non, c'était moi, parce que j'étais débutant, je n'étais pas habitué. Il articulait bien, mais non. Il articulait bien. C'était juste moi, je n'étais pas habitué, mon oreille n'était pas habituée. Vous voyez? C'est un acteur qui est bien à la, on a cool, alhamdoulilah, rabbil alamin. Je me sens d'ici,